Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie. Approchez votre oreille du poste, voici un message important, un appel à continuer le combat et à rester libre. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. Bonjour Chantal Delsol. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes philosophe, romancière, professeur émérite de philosophie politique et membre de l'Institut Académie des sciences morales et politiques. Vous avez dirigé un ouvrage collectif sur Simone Veil, disponible aux éditions du CERF. Et c'est avec vous que nous allons lire le dernier ouvrage de Simone Veil, L'Enracinement, écrit en 1943, l'année de sa mort. Quand Charles de Gaulle prononce le discours qu'on vient d'entendre, le 18 juin 40, oui, est en fait diffusé 4 jours plus tard, ce que l'on sait peu, sur les ondes de la BBC. Simone Veil n'est pas encore à Londres aux côtés du général. Oui. Est-ce que c'est ce discours qui lui donne envie d'y aller ? Non, c'est-à-dire que, en fait, elle aurait pu rester. Elle était sauvée. Hein. Elle était partie au-delà de l'Atlantique. Elle aurait très bien pu y rester. Elle craignait plus rien là. Mais en fait, elle avait une vieille idée qui était d'être infirmière, infirmière pour le front. Et au fond, la guerre l'avait toujours intéressée, non seulement pour faire de la sociologie, mais pour comprendre un peu mieux les choses. Et au fond, c'était une militante. Elle était active dans sa tête, seulement je crois que son corps ne suivait pas. Elle avait essayé d'aller en Espagne à un moment donné pour faire la guerre civile espagnole du côté républicain. Et immédiatement, elle s'était mise le pied dans un baquet d'huile bouillante. Enfin, elle s'était immédiatement blessée. Il avait fallu la rapatrier à l'arrière au bout de 2 jours. Elle avait un corps trop fragile et je pense qu'elle était pas capable de faire ce qu'elle avait envie de faire dans l'idée. Et là, elle voulait absolument être infirmière, même infirmière de première ligne. Elle avait un peu écrit là-dessus, sur ce qu'elle voulait faire. Et c'est comme ça qu'elle est partie à Londres, alors que l'ensemble de son entourage n'était pas bien chaud, trouvait que c'était un peu bizarre. Effectivement, c'était bizarre. Quand elle est arrivée et qu'elle a commencé à en parler, donc elle est arrivée dans l'entourage du général de Gaulle, tout le monde a compris que c'était pas possible. Vous voyez. Et donc, tous ces messieurs se sont dit qu'est-ce qu'on va faire de cette fille qui est maintenant là, qu'on ne pourra pas renvoyer, veut absolument faire quelque chose. Et finalement, ils se sont dit, bah écoutez, mettons-la à écrire, puisqu'au fond, c'est ça qu'elle sait faire. Et c'était pas idiot. C'est comme ça qu'elle a commencé à écrire L'Enracinement, ce qui s'est appelé plus tard L'Enracinement. C'est même pas elle qui a donné ce titre. On lui a donné à rédiger une espèce de constitution, il faut mettre le mot entre guillemets, parce que c'était pas vraiment une constitution comme on l'entend ordinairement, c'était pas un texte juridique, mais disons une constitution intellectuelle pour l'Europe qui vient, qui va venir, qu'on attend après le nazisme. Et elle, ce qu'elle va écrire, ce qu'on a appelé L'Enracinement, a un sous-titre qui est le suivant, c'est un prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Et le fait qu'elle substitue le terme de devoir à celui de droit est loin d'être anodin, Chantal Delsol. Oui, bien sûr, mais je pense que toute la notion d'enracinement est là-dedans. Elle commence dès le début, c'est la première page, et même le premier paragraphe de l'ouvrage, ce qui va devenir l'ouvrage. Elle commence par expliquer qu'on ne peut pas énoncer des droits tout seul, puisque à ce moment-là, si on exige des droits, qui est-ce qui va les remplir, qui est-ce qui va y répondre? Il faut d'abord exiger les devoirs. Celui qui a des devoirs envers l'être humain, enfin, il y a des devoirs envers l'être humain. C'est pas l'être humain qui a des droits, c'est qu'il y a des devoirs envers lui. Ce qui signifie que, enfin, disons que d'une certaine manière, c'est plus réaliste. Parce que qu'est-ce que ça signifie avoir des droits? Il faut encore que quelqu'un soit là pour les conférer. Et donc, alors c'est à partir de là qu'elle va parler de l'enracinement. Alors, on va essayer de voir le lien entre les devoirs et l'enracinement. Ce livre, elle l'écrit très vite, hein, ce qu'on a retrouvé, puisque bon, c'était au moment l'année de sa mort. Hein, il semble qu'elle l'ait écrit d'une traite. Il est pratiquement sans rature. Et il décrit ce qu'elle appelle, et ça vient tout de suite, les besoins de l'âme. C'est une expression magnifique. Que signifie-t-elle? Oui, c'est ça. Et en fait, son texte est un texte sur la spiritualité. À un moment donné, elle, en donnant la définition de son livre, elle dit « J'ai voulu travailler pour une civilisation fondée sur la spiritualité du travail ». Parce qu'elle est très attachée à la notion de travail et au travail. Donc ça, c'est extrêmement important. Tout son texte est fondé sur la spiritualité de l'homme. Elle ne veut pas que l'homme tombe dans le matérialisme, parce qu'elle elle présuppose que totalitarisme et matérialisme, au fond, c'est la même chose. Donc elle parle de spiritualité et elle cherche à définir une civilisation qui serait spirituel. Alors, spirituel ici, ne veut pas dire religieux, spécialement. On peut être spirituel sans être particulièrement religieux. Mais elle s'éloigne par là même, donc, du pur matérialisme. Et, elle dit, il faut, se fonder sur les devoirs que l'on a envers l'être humain. Et ces devoirs sont fondés sur les besoins spirituels de l'être humain. On a des devoirs envers l'être humain parce qu'il a besoin de liberté, d'égalité, de faire des efforts, de responsabilité, etc., qui sont ses besoins spirituels. Alors pourquoi a-t-elle besoin de se référer aux besoins de l'âme pour parler de spiritualité? Alors le premier besoin qu'elle décrit, c'est ça qui est très surprenant, c'est dès les premières pages du livre, elle dit le premier besoin de l'âme, celui qui est le plus proche de sa destinée éternelle, c'est l'ordre. Ça, c'est très surprenant de voir que le concept d'ordre est celui qui vient en premier. En quel sens l'ordre est-il un besoin de l'âme? Pourquoi l'ordre? Eh bien, parce que lorsque on sort du chaos, hein, c'est-à-dire le chaos, c'est pas le néant, hein, c'est pas le rien, c'est un magma de choses indifférenciées qui ne sont pas individuées. Lorsqu'on sort de là, eh bien, il y a des individus à ce moment-là, il y a des êtres qui sont différenciés les uns des autres, et immédiatement s'instaure un certain ordre. Et donc l'ordre est la chose pour elle primordiale, parce que ça signifie que nous vivons dans un monde. Il n'y a pas de monde sans un certain ordre. Alors l'ordre peut être injuste, on peut vouloir le changer, etc. Mais l'ordre est la première chose importante lorsqu'il y a un monde. Et ce qui est très important au départ, c'est de dire que l'être humain est installé dans un monde. Alors elle définit ainsi l'ordre, elle dit, c'est-à-dire un tissu de relations sociales telles que nul ne soit contraint de violer des obligations rigoureuses pour exécuter d'autres obligations. Comme on retrouve déjà le terme d'obligation, je vous propose qu'on écoute un texte où elle définit ce que c'est que cette notion d'obligation et comment celle-ci se distingue du droit, pour qu'on puisse continuer ensuite ensemble cette lecture. Ces deux concepts d'obligation et de droit sont constitutifs du reste de l'écrit. La notion d'obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. L'accomplissement effectif d'un droit provient non pas de celui qui le possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui. L'obligation est efficace dès qu'elle est reconnue. Une obligation ne serait-elle reconnue par personne, elle ne perd rien de la plénitude de son être. Un droit qui n'est reconnu par personne n'est pas grand-chose. Cela n'a pas de sens de dire que les hommes ont d'une part des droits, d'autre part des devoirs. Ces mots n'expriment que des différences de point de vue. Leur relation est celle de l'objet et du sujet. Un homme considéré en lui-même a seulement des devoirs, parmi lesquels se trouvent certains devoirs envers lui-même. Les autres, considérés de son point de vue, ont seulement des droits. Il a des droits à son tour quand il est considéré du point de vue des autres, qui se reconnaissent des obligations envers lui. Un homme qui serait seul dans l'univers n'aurait aucun droit, mais il aurait des obligations. Un homme qui serait seul dans l'univers n'aurait aucun droit, mais il aurait des obligations. C'est ce qu'affirme Simone Veil sur France Culture, les chemins de la philosophie. C'est le dernier temps de notre série d'émissions sur la philosophe Simone Veil, aujourd'hui en compagnie de Chantal Delsol. Hélène Le Seur a prêté sa voix à Simone Veil cette semaine dans ce texte. Alors, non seulement très utile pour comprendre le livre qui s'appelle L'Enracinement, mais aussi très pédagogique au fond. La notion d'obligation prime celle de droit qui lui est subordonnée et relative. Le concept premier pour penser l'homme, pour penser ce que vous appelez, Chantal Delsol, une anthropologie chez Simone Veil, c'est celui d'obligation. C'est quoi ? C'est une dimension morale qui prime les autres ? C'est une dimension morale et anthropologique. Parce que l'obligation découle de ce que nous sommes, de notre place dans l'univers, des besoins spirituels que nous avons, enfin des besoins d'ailleurs de toutes sortes que nous avons. Lorsqu'elle parle de cet homme qui serait seul dans l'univers, prenez Robinson Crusoe, et Robinson Crusoe n'a aucun droit puisque personne n'est là pour les concrétiser. Il va pas sortir un panneau pour aller faire une manifestation. Face à qui le ferait-il? En revanche, Robinson peut avoir des devoirs. Il peut avoir des devoirs envers lui-même. Il peut avoir des devoirs envers la nature, envers les animaux, que sais-je. Même s'il n'y a pas d'autres hommes, vous voyez. Donc, ça signifie cela. L'obligation est une obligation, même si elle n'est pas reconnue, est encore une obligation parce que justement, elle est intérieure, elle est spirituelle. Et même si personne ne la reconnaît, elle existe encore. Tandis qu'un droit, c'est quelque chose de positif qui est reconnu par la loi. Et s'il n'est pas reconnu par la loi, à ce moment-là, il tombe de lui-même. C'est le tort que nous avons, pense-t-elle, hein. On peut en discuter, bien sûr, mais c'est le tort que nous avons de prendre les droits pour des obligations. Vous voyez ? Nous imaginons que parce que nous avons des droits, immédiatement, quelqu'un sera là pour les concrétiser. Mais ça ne marche pas comme ça. Et comment distingue-t-elle l'obligation du devoir ? Ah, bon, je pense que le terme devoir est davantage enraciné dans la vie concrète. L'obligation est davantage aussi spirituelle, je pense. Moi, je verrais les choses comme ça. Oui, l'obligation a une dimension morale quand le terme de devoir est souvent associé à celui de droit. Et à une dimension, disons, plus politique, voire sociale, selon la lecture qu'on en fait. Plus concrète, plus... Si vous êtes le seul médecin à bord et qu'un malade a besoin de vous, vous avez l'obligation d'aller à son secours, pas le devoir. Vous voyez, il n'y a pas de devoir écrit. L'obligation morale que vous avez, elle est intérieure, en fait. Donc, c'est-à-dire que Simone Veil pense, puisque son projet est donc de définir une constitution idéale, elle pense que l'action politique et la société doivent être régies par une dimension qui serait morale. Si l'obligation est au fondement de l'agir. Je pense qu'elle, selon elle, c'est le début. Il faut commencer par là. Ça ne veut pas dire qu'après il n'y aura pas des lois. Mais elle n'est pas chargée de faire les lois. Elle est chargée de poser les fondements des lois. Les fondements, c'est que c'est pas que le citoyen a droit à ceci ou à cela, c'est que l'État, le gouvernant, a le devoir de faire en sorte que les citoyens soient toujours en mesure de faire des efforts, ou soient toujours autonomes, ou soient libres, etc. Voilà. Donc elle décrit les devoirs des gouvernants envers les gouvernés. Elle décrit pas les droits des gouvernés. Voilà. C'est une manière de s'exprimer qui est très importante. C'est pas seulement une modalité du langage. Non, mais d'ailleurs aujourd'hui on entend beaucoup cette distinction parce que le discours consistant à tenir les droits comme une forme de problème dans l'action, parce que justement, revendiquer les droits, c'est aussi une manière parfois de ne pas agir, ou par mauvaise foi de se dispenser de répondre à ses devoirs. Au moment où Simone Veil écrit ça, à quoi fait-elle référence? Pourquoi est-il important pour elle de dire que l'obligation et donc les devoirs sont plus importants que les droits? Ce qui est assez étonnant, c'est en quelque sorte, elle est, je dis pas qu'elle est prophète, mais enfin, elle a vu beaucoup de choses en avance. Elle a compris déjà dans quelle déshérence étaient tombés les États qui se disent États de droit. Elle a compris jusqu'où il fallait pas aller, quelles sont les limites pour que tout ça continue à fonctionner de façon normale et que toute la profondeur de l'humain y soit et qu'on ne parte pas sur des images utopiques qui ne marcheront pas. Donc je pense qu'elle a déjà vu ça, et puisque à un moment donné dans le texte qu'on a appelé donc l'enracinement, elle dit que les deux totalitarismes, elle utilise le mot totalitaire, d'ailleurs elle l'utilise un petit peu de manière extensive, je trouve un peu trop, mais bon, les deux totalitarismes, le nazisme et le communisme, finalement ne sont pas l'un et l'autre pire que l'anarchie. Et elle pense qu'il y a une forme d'anarchie dans nos sociétés. Donc pour elle, c'est... Pourtant, ça paraît être l'inverse, l'anarchie. Mais oui, mais une mauvaise prise en compte, justement, des droits et des devoirs, une mauvaise réalisation des droits et des devoirs. Mais est-ce qu'elle va jusqu'à dire que c'est à cause de l'obsession européenne pour l'idée de droit et de personne, dit-elle aussi, que la Seconde Guerre mondiale a pu éclore? Est-ce que c'est une manière de dire que, au fond, les raisons du conflit auquel elle assiste au moment où elle écrit ce texte sont à trouver du côté soit d'une mauvaise constitution, soit d'une mauvaise priorité dans les valeurs accordées par les citoyens et les gouvernants dans l'exercice de leurs fonctions? De façon indirecte, je pense que oui, parce que quand elle parle, elle parle surtout du nazisme, qui est quand même le problème qu'on a sous les yeux. Le communisme est loin, et puis au fond, il n'est pas encore connu vraiment. Hein. On est en 42. Bon, elle pense que le nazisme est venu d'une une façon erronée de voir la grandeur. Elle pense que l'homme a besoin de grandeur. Nous avons tous besoin de grandeur, de nous dépasser, par exemple, et puis aussi d'essayer de coller à des choses plus grandes que nous, à des modèles, à un idéal, etc. Mais que si on place la grandeur au mauvais endroit, on en arrive à la barbarie. Elle en parle plusieurs reprises dans ce texte. Elle décrit Hitler dans les rues de Vienne, le jeune Hitler dans les rues de Vienne en train de vendre ses cartes postales. Et elle dit, finalement, elle va même très loin, puisqu'elle dit, est-ce que c'était sa faute s'il n'a pas trouvé d'autres modes de grandeur que le crime? Elle pense que c'est le nazisme provient d'une manière de chercher la grandeur qui, justement, n'est pas spirituelle. Autrement dit, d'un cas désespérant de la barbarie, quoi, au fond. L'initiative et la responsabilité, le sentiment d'être utile et même indispensable, sont des besoins vitaux de l'âme humaine. La privation complète à cet égard est le cas du chômeur, même s'il est secouru de manière à pouvoir manger, s'habiller et se loger. Il n'est rien dans la vie économique et le bulletin de vote qui constitue sa part dans la vie politique n'a pas de sens pour lui. Le manœuvre est dans une situation à peine meilleure. La satisfaction de ce besoin exige qu'un homme ait à prendre souvent des décisions dans des problèmes, grands ou petits, affectant des intérêts étrangers aux siens propres, mais envers lesquels il se sent engagé. Il faut aussi qu'il ait à fournir continuellement des efforts. Et il faut enfin qu'il puisse s'approprier par la pensée l'œuvre tout entière de la collectivité dont il est membre, y compris les domaines où il n'a jamais ni décision à prendre, ni avis à donner. Pour cela, il faut qu'on la lui fasse connaître, qu'on lui demande d'y porter intérêt, qu'on lui en rende sensible la valeur, l'utilité et, s'il y a lieu, la grandeur, et qu'on lui fasse clairement saisir la part qu'il y prend. Toute collectivité de quelque espèce qu'elle soit, qui ne fournit pas ses satisfactions à ses membres, est tarée et doit être transformée. Est tarée. Quel texte, Chantal Delsol? Magnifique. Je viens de lire, donc, qui s'intitule La responsabilité, puisqu'elle examine dans ce texte enracinement différents concepts qu'elle voudrait voir être mis en valeur dans le projet de constitution qu'elle a en tête à ce moment-là, et qui paraît très très actuel également, parce qu'elle diagnostique une société qu'elle qualifie de tarée, à partir du moment où cette société ne prendrait pas en compte les besoins de chaque individu, des besoins auxquels elle ne pourrait pas répondre, mais au-delà de ça, c'est pas des besoins matériels, c'est des besoins qu'on pourrait appeler des besoins Exactement. De l'âme. Elle dit, par exemple, un chômeur a besoin de reconnaissance et de conditions pas simplement matérielles, mais de conditions de disponibilité d'esprit pour pouvoir prendre conscience de la dimension politique de son pays. Oui, c'est très très fort. Alors, c'est comme ça qu'elle décrit le fondement de la démocratie, parce que ça, c'est le fondement de la démocratie, c'est une croyance. Mais ce qu'elle dit là, c'est une croyance occidentale. Hein. Une croyance. Ben, c'est quelque chose que nous croyons, mais après tout, nous ne pouvons pas le démontrer. Qu'un individu, quel qu'il soit, que ce soit le plus simple, le plus ignorant, même le plus vulgaire, peu importe. Il a absolument besoin de prendre part à sa société, de donner son avis, d'être partie prenante, d'être utile. C'est quelque chose de tout à fait typique, ça. C'est vraiment une croyance. C'est là-dessus qu'est fondée la démocratie. Oui. La démocratie dit que finalement, il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la métaphysique des sphères pour pouvoir donner un avis utile et important sur sa société. C'est-à-dire que le corps des experts sortis de l'ENA ne sont pas plus malins que le groupe, je ne sais pas, des Gilets jaunes, hein, pour dire s'il faut faire la guerre ou collaborer. Mmh. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on s'aperçoit que ceux qui ont fait les mauvais choix, parce qu'on peut savoir après quels sont les mauvais choix, c'est l'histoire qui nous le dit, hein, ceux qui ont collaboré avec le communisme, c'était quand même des mauvais choix, et ceux qui ont collaboré avec le nazisme, c'était des mauvais choix. Eh bien, ceux-là ne sont pas davantage d'un côté que de l'autre. Il y a eu des mauvais choix des deux côtés, vous voyez. Donc, ça, je pense que c'est le fondement de la démocratie qu'elle est en train de décrire ici. En l'adossant donc sur la notion de responsabilité, elle dit que l'initiative et la responsabilité, le sentiment d'être utile et même indispensable, sont des besoins vitaux de l'âme humaine. Sans ces besoins vitaux satisfaits, la démocratie ne peut pas fonctionner. C'est exactement, ça qu'elle dit. Parce que le point de départ de la démocratie, c'est la notion de personne. Nous sommes des personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire être une personne? Ça veut dire avoir une unité intérieure qui fait que, si vous voulez, si on regarde votre tête en classe maternelle sur une vieille photo, on va vous reconnaître. C'est, peut-être, oui. Bon, espérons-le. C'est une unité de la personne qui fait que vos actes vous suivent, par exemple. Vous dites, ah, c'est moi qui ai fait ça, j'assume. Et donc, cette unité de la personne engendre la notion de responsabilité. Et la démocratie est fondée sur toutes ces choses-là. Donc, au fond, elle va au noyau. Et c'est très important d'aller au noyau, parce que si vous faites que seulement, si seulement vous édictez des lois fondamentales, même très importantes, vous ne serez pas au noyau. Donc, c'est pour ça que son texte est important. Mais la responsabilité n'est pas tant celle de l'État envers les personnes qui constituent le pays, que celle de l'individu qu'il doit reconnaître en lui-même. En fait, ce qu'elle dit aussi, c'est que les personnes qui travaillent, qui n'ont pas de sentiment ou de sens de responsabilité, sont démunies et sont dès lors inaptes, bien sûr, à pouvoir s'engager politiquement. C'est aussi le devoir d'un gouvernant, d'un État, pas comment il faut l'appeler, de faire en sorte que les individus ne perdent pas leur responsabilité, qu'ils soient pas traités, par exemple, comme des gens qui vont mettre un bulletin de vote tous les 5 ans et puis basta. Autrement dit, que l'État fasse en sorte que l'individu ne soit pas, par exemple, tellement assommé d'allocations qu'il n'ait plus rien d'autre à faire qu'attendre son allocation. Alors ça, c'est autre chose. Parce que d'un côté, il y a l'individu à qui ne revient aucune responsabilité, oui, celui qui travaille en usine, par exemple, et qui finalement n'a pas de responsabilité, ne se reconnaît pas dans son travail. Et de l'autre, et c'est cet aspect-là que vous pointez, Chantal Delsol, c'est celui qui n'aura plus d'efforts à fournir pour obtenir l'argent qui lui revient parce qu'il dépend d'allocation. C'est deux choses très différentes. Alors la première chose, c'est très intéressant parce qu'elle a, comme vous savez, elle a travaillé en usine. Et elle s'est beaucoup intéressée au monde du travail. Elle a travaillé un petit peu aussi dans le monde agricole quand elle était chez Gustave Thibon. Et elle n'est pas restée longtemps en usine, mais elle a quand même beaucoup décortiqué la chose. Et je pense qu'elle a quand même compris beaucoup de choses. Et en ce qui concerne le travail en usine, qui est un autre volet, vous avez raison de le pointer, c'est très important que l'ouvrier ne soit pas uniquement à faire un travail complètement mécanique. Et c'est pourquoi, tout le long de son texte, ici, et puis elle en parle évidemment dans d'autres endroits, elle réclame ce qu'on appelle à l'époque les ateliers autonomes d'entreprise. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce sont des ateliers de 10 ou 15 personnes qui sont organisés de telle sorte qu'au lieu que les ouvriers fassent constamment le même geste mécanique, ils soient ensemble à 10 ou 15, ça dépend des cas, et qu'ils aient une tâche à accomplir ensemble. Ce qui évidemment est beaucoup plus intéressant pour eux parce qu'au moins ils ont une tâche commune à accomplir, ils voient où ils en sont, ils en parlent, ça marche comme une petite communauté, si vous voulez. Ça s'appelait les ateliers autonomes d'entreprise. Il y avait un certain nombre d'auteurs qui avaient développé ça, et elle, en fait, elle devait connaître ces auteurs, je pense. Comme par exemple Hyacinthe Dubreuil, ce sont des gens qui sont tout à fait inconnus maintenant. Mais il y a un certain nombre d'entreprises européennes qui ont qui se sont organisés de cette façon. Et on s'est aperçu que non seulement les ouvriers, évidemment, étaient bien plus heureux, parce qu'au moins, ils avaient quelque chose d'intelligent à faire ensemble, plutôt que d'être tout le temps à visser des bouteilles pendant toute la journée, mais qu'en plus, le travail marchait mieux. Donc, c'est même pas un manque à gagner pour l'entreprise. Et c'est ça, en fait, qu'elle défend. Et ça, c'est typiquement une défense de la responsabilité personnelle. Oui, alors voilà, on va y venir, cette notion de responsabilité, d'obligation qu'on a évoquée. Au fond, on pourrait dire, et il me semble que c'est en ces termes que vous en parlez, Chantal Delsol, que Simone Veil serait une philosophe de l'exigence envers soi. Exactement, exactement. On peut dire ça. Elle était d'une exigence sûrement, c'est peut-être d'ailleurs de ça qu'elle est morte. C'est-à-dire ? Une exigence de pureté incroyable. Elle parle de la pureté, je ne sais pas si vous avez lu le conte des cygnes de Grimm, qui est l'une de ses dissertations de, je crois, de terminale, donc elle devait avoir 17 ans. Elle parle déjà de l'exigence de pureté. Et je pense qu'elle devait être très exigeante vis-à-vis d'elle-même. Donc rien n'était assez bien. Elle devait se priver de nourriture parce que parce qu'il y avait des gens qui mouraient. Ce que l'on dit, c'est que en 43, l'année de sa mort, Simone Veil refusait de s'alimenter davantage que ceux qui étaient sous le régime du rationnement en France, dans la France occupée. Voilà. Or, elle-même est souffrant d'une maladie, étant vraiment affaiblie. Oui. Avait besoin de cette nourriture qu'elle serait morte de cette façon. Bon, certains disent qu'elle était anorexique, ce qui est possible. Effectivement, elle. Bon, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire être anorexique? Quelles sont les raisons? Souvent, d'ailleurs, les raisons sont des raisons assez hautes. Les anorexiques sont des gens assez particuliers. Donc, je pense qu'effectivement, elle était exigeante à la fois avec elle-même et avec les autres. Ça se voit d'ailleurs dans les lettres. Ça se voit. La lettre de Gustave Thibon est tout à fait intéressante. Par exemple, Gustave Thibon raconte quand elle, le moment où elle arrive chez lui, il dit, mais rien ne suffisait, quoi. Il lui fallait un degré. Dites-nous qui est Gustave Thibon. Ah oui, Gustave Thibon était un philosophe de l'époque, un philosophe chrétien, qui vivait à la campagne, un peu au sud de Lyon, dans un endroit où il y avait des vignes. Elle avait débarqué chez lui parce qu'elle voulait travailler à la campagne, après avoir travaillé à l'usine. Et donc quand il la reçoit, il raconte ça très bien d'ailleurs, parce qu'il écrit très bien, et il dit elle n'avait jamais assez d'austérité, en fait. Il a commencé par lui proposer une chambre avec un gros édredon, comme on faisait à la campagne à l'époque, et elle a dit que pas du tout, elle voulait pas du tout habiter dans un endroit aussi luxueux pour elle. Mmh. Et finalement, si on l'avait écoutée, on aurait fini par la chasser dans la niche du chien, vous voyez, parce que il y avait une exigence d'austérité, de pureté en fait, qui était probablement excessive. Donc quand vous parlez d'exigence, vous avez raison. L'exigence n'étant pas forcément excessive, en tout cas cette exigence-là, qu'on le retrouve à travers les concepts qu'on a évoqués ensemble, celui de responsabilité, d'obligation, de respect aussi, elle insiste beaucoup sur le respect, ce sont des termes d'ailleurs kantiens, hein, je ne sais pas quelle était sa connaissance de la morale kantienne, oui, mais en tout cas ce sont trois concepts sûrement étudié, parce que très présents dans la critique de la raison pratique. Ces termes-là, ces concepts ne nous renseignent pas sur la signification de l'enracinement, c'est quand même le titre qu'on a donné à cette œuvre, et elle écrit sur l'enracinement des pages limpides et vraiment originales. C'est-à-dire que c'est un concept, au sens fort du terme, qui éclaire sur une modalité de l'être au monde, au sens quasiment le plus sociologique du terme, hein, sur la façon qu'a un homme doit être toujours ancré dans un milieu au moment où il existe, et comment ce milieu est absolument indispensable pour sa bonne constitution. C'est ça, c'est Écoutons ça. Le texte, et puis vous nous direz ensuite ce que vous en pensez. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Les échanges d'influence entre milieux très différents ne sont pas moins indispensables que l'enracinement dans l'entourage naturel. Mais un milieu déterminé, doit recevoir une influence extérieure non pas comme un apport, mais comme un stimulant qui rende sa vie propre plus intense. Il ne doit se nourrir des apports extérieurs qu'après les avoir digérés. Et les individus qui le composent ne doivent les recevoir qu'à travers lui. Quand un peintre de réelle valeur va dans un musée, son originalité en est confirmée. Il doit en être de même pour les diverses populations du globe terrestre et les différents milieux sociaux. Qu'est-ce que l'enracinement ? C'est sur le chemin de la philosophie sur France Culture que nous posons cette question avec la philosophe Simone Veil et en compagnie aujourd'hui de Chantal Delsol. L'enracinement, eh bien, nous dit Simone Veil, est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est surtout ce dont l'être humain a besoin pour que adviennent les qualités morales que Simone Veil a décrites jusque-là, la responsabilité, l'obligation, etc. La conscience de l'obligation n'est possible que pour l'homme enraciné. Dit Simone Veil, Chantal Delsol. Oui, enraciné, ça veut dire que nous sommes incarnés. C'est-à-dire que nous avons un corps, pour commencer, et nous sommes, pour ainsi dire, trempés dans des milieux. Oui, c'est plus qu'incarné, parce que c'est pas juste avoir un corps. Oui, c'est incarné au sens très, très large. Ce corps est pris dans des milieux, comme vous dites, avec d'autres corps, d'autres structures. Nous parlons une langue. Je parle français, je parle pas chinois. Je peux apprendre d'autres langues, je pourrais changer de langue éventuellement, mais je suis né dans une langue. On est dans une langue, dans une famille, dans une patrie, dans un territoire. Nous sommes incarnés. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas changer, mais ça veut dire quand même que nous tenons à tous ces lieux, à tous ces milieux, par des fils invisibles, mais qui nous fabriquent, qui nous font, qui nous façonnent, et dont pratiquement on peut pas se passer. Simone Veil avait beaucoup étudié le marxisme, puisque, comme vous savez, à une époque, elle avait failli s'inscrire au Parti communiste. Et Marx disait, le prolétaire n'a plus rien. Il disait, le prolétaire est désincarné. Il n'a plus de famille, il n'a plus de patrie, il n'a plus de lieu, de territoire, puisqu'il a été urbanisé. Bon. Et j'ai apporté là un petit texte, si vous me permettez de le lire, quelques lignes, de Trotsky. Qu'elle avait rencontré, oui, qui parle justement du déracinement en Union soviétique. Il écrit ceci, je cite, on peut le trouver sur Internet facilement, « La vie privée, les institutions, les méthodes, les pensées, les sentiments, tout est devenu inhabituel, temporaire, transitoire, tout se sent précaire, et va même souvent jusqu'à exprimer cette précarité dans les noms. Ce perpétuel bivouac, ce caractère épisodique de la vie comporte en soi un élément d'accidentel, et l'accidentel porte le sceau de l'insignifiance. » Autrement dit, il décrit l'individu comme quelqu'un qui fait un bivouac. Donc, il est installé sur sa petite vire, là. Il est accroché à la paroi, et seulement il pourra rester là quelques heures, mais on ne peut pas vivre dans le bivouac. Oui, on ne peut pas vivre déraciné de tout. Et il dit, le déracinement, c'est l'insignifiance. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas porter de sens si nous ne sommes pas enracinés. Voilà ce que dit Simone Veil. C'est ce que dit Trotsky ou Simone Veil? Là, c'est Trotsky qui le dit. Il critique le régime. Et Simone Veil, selon vous, souscrit à cette analyse-là? Ah ben oui, je pense que cette image du bivouac décrite par Trotsky est intéressante pour mieux comprendre ce que dit Simone Veil. Elle dit « Nous ne pouvons pas vivre dans le bivouac. Il faut que nous soyons enracinés quelque part, dans une langue, dans une patrie. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que cette notion d'enracinement peut avoir une connotation très essentialisante. C'est-à-dire que, enraciné, ça veut dire que si nous sommes nés en France, dans un certain milieu, nous avons besoin d'assumer ce milieu, de le reconnaître comme tel, pour pouvoir ensuite rencontrer d'autres milieux. En fait, c'est ce que dit Simone Veil, mais ça veut dire qu'il y a une forme de déterminisme. C'est pour ça que je me suis empressée de dire qu'on pouvait changer. Parce que je ne veux pas tomber dans l'essentialisme. Mais l'important, c'est d'avoir une stabilité de milieu. Mais je pense qu'il faut d'abord avoir une stabilité. D'abord, l'enfant a besoin d'une stabilité. Une stabilité de milieu, à minima, quand même. Et puis, c'est à partir de là qu'on pourra changer si on veut, qu'on est libre. Hein? Oui, mais les choses ne se passent jamais ainsi. C'est pas genre, il y a un milieu à un moment, et puis ensuite on peut changer de milieu. Et, ben, et même, si, parler d'un enfant, il y a des milieux qui sont. Enfin, un enfant peut aussi traverser des moments plus instables, jugés plus instables de l'extérieur. Bien sûr. Sans que ce soit forcément un problème. Ah, bah. Et un milieu n'est pas forcément stable, de toute façon. Bien sûr, un milieu n'est pas forcément stable, mais c'est quand même une stabilité que de savoir qu'on est dans une famille, même si cette famille est compliquée, qu'on apprend une langue au départ, ou deux langues parfois, dans des milieux biculturels, qu'on habite un territoire, un pays. Bon, après, évidemment, on peut changer, mais c'est ça l'enracinement. Mais alors, quelle forme ça peut prendre? Ça peut être, par exemple, le patriotisme. C'est-à-dire, le milieu, c'est un pays, et donc, il y a une manière d'assumer le pays dans lequel... Il y a une manière d'aimer le milieu dans lequel on est né. Alors après, on peut ne plus l'aimer, pour toutes sortes de raisons, mais effectivement, elle veut seulement dire ça, elle veut dire que nous sommes des êtres incarnés. Mais non, parce que l'incarnation, là, pour le coup, ce serait une vision plus platonicienne, c'est-à-dire que nous avons un corps et prendre en compte l'existence de ce corps, ce qu'elle fait tout au long de oui, sa, alors de son si œuvre. Vous prenez le mot incarnation. Mais la notion d'enracinement est plus forte que l'incarnation. Oui, bien sûr, elle est plus forte. Mais nous apprenons à aimer en aimant au départ nos parents ou ceux qui en tiennent lieu. Voilà. Ceux qui s'occupent de nous quand nous sommes très jeunes. C'est ainsi que nous apprenons à aimer. Nous apprenons à parler en apprenant d'abord une langue. Voilà, c'est simplement ça. Mais la notion d'enracinement, on y entend le terme de racine, et Simone Veil dit elle-même, chaque être humain a besoin d'avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. Bien sûr. On peut la suivre jusqu'au bout. Ce qui pose problème, c'est ce terme de « naturellement ». C'est là où je parlais d'essentialisme et presque de quelque chose de naturel. Parler d'un lien naturel entre un homme et son milieu peut avoir... des conséquences, c'est pour ça que je parle du patriotisme, parce que c'est ce que c'est, on verse pas du patriotisme vers le nationalisme. Vous savez, l'exacerbation du milieu d'où l'on vient. Oui, mais en même temps, on peut pas tuer le patriotisme par peur du nationalisme. Je pense pas qu'on puisse faire ça. Mais est-ce que c'est ce qu'elle a en tête à ce moment-là? Oh ouais. Est-ce que c'est le patriotisme? Est-ce que c'est la France parce qu'elle est née en France, elle qui pourtant elle s'est engagée pour d'autres causes? Elle serait pas allée en Espagne si c'était la France qu'elle chérissait par-dessus tout? Oh bah, sa dimension, son engagement politique dépasse son patriotisme. Oui, bah évidemment. Bon, je pense qu'on en est tous là. Il ne faut pas non plus tomber dans le particularisme. Non, j'essaie de comprendre en quel sens, ce que ça signifie pour elle, cette notion d'enracinement. Comment est-ce que, pour elle, Simone Veil, est-ce que cette notion prend forme dans son engagement politique et dans sa pensée philosophique? Non, mais elle était quand même très universaliste, puisqu'elle va jusqu'à critiquer les Juifs de n'être pas assez universalistes, hein, d'être des gens trop enracinés dans la particularité. Donc, elle va assez loin. D'ailleurs, Hannah Arendt fait pareil. Donc, on peut pas lui reprocher d'être devenue essentialiste. Je pense pas. Maintenant, vous parlez de nature. Je comprends que vous vous méfiez du mot nature. Je m'interroge en tout cas. Si vous préférez, on pourrait parler de conditions. Oui, c'est pas ce qu'elle fait. C'est pour ça. Ouais, c'est pas ce qu'elle fait parce qu'à cette époque, on parle encore du mot nature. On utilise encore le mot nature parce qu'on se méfie moins qu'aujourd'hui de ce que vous avez appelé l'essentialisme. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais il faut pas non plus, par crainte de l'essentialisme, tomber dans le bivouac. Voilà. Mais le bivouac a ses charmes. Cette opposition entre l'enracinement et le déracinement est assez schématique, non? Parce que je sais pas. Parce que Simone Veil, quand elle parle du déracinement, elle a des mots très forts. Hein. Elle dit bien que le déraciné, finalement, ne peut que soit mourir, en fait, parce qu'il n'a plus de milieu auquel se connecter, soit déraciner à son tour quelqu'un d'autre pour essayer d'occuper l'espace vital de quelqu'un d'autre. Et là, elle parle clairement du nazisme qui a lieu à ce moment-là. Le déraciner est au sens très fort du terme. Elle parle des ouvriers, des paysans qui ne sont plus en contact avec un milieu qu'ils peuvent appeler chez eux. Oui, bien sûr. C'est pas simplement le bivouac ou le nomade qui va changer de lieu d'existence et qui finalement va de bivouac en bivouac et va transporter son même milieu. Non, c'est des gens qu'on a déracinés de leur milieu d'origine et qui n'ont pas eu la force ou les possibilités, c'est le cas des ouvriers dont elle parle, de se réinstaller ailleurs. Il faut être fort pour se réinstaller ailleurs. C'est un truc d'élite. Je crois. Bah, les nomades dont vous parlez, ce ne sont pas forcément des élites, et pourtant elles ont pour... Les peuples nomades, vous voulez dire? Oui. Les peuples nomades sont des gens qui transportent leur culture avec eux. Donc, évidemment, ils ne sont pas Ils sont pas enracinés dans un territoire, même si, en général, ils ont une ligne de, ils ont un chemin qu'ils suivent toujours, aller-retour, enfin, selon les saisons. En général, c'est plutôt ça. Donc, au fond, ça signifie que leur lieu est diversifié, mais il y a quand même toujours un lieu. Et puis, ils transportent avec eux leurs objets, leur famille, etc. Donc, finalement, ils sont toujours enracinés quelque part. Non, ce qu'on entend par bivouac, c'est vraiment l'endroit où on reste quelques heures juste pour survivre, sans aucun milieu proche. Mais c'est intéressant de voir qu'elle-même met en place cette opposition entre enracinement et déracinement, alors qu'elle ne revendique aucune famille, qu'elle est allergique aux partis politiques, qu'elle est allergique à toute forme de communauté, qu'elle ne suit pas sa famille à New York ou juste un temps, puis elle décide d'aller à Londres. Il y a cette contradiction ou cette ambivalence chez elle entre la personne, le moi qui est haïssable, pour reprendre ce que disait Pascal, et qu'il faut critiquer quand cette personne revendique ses droits avant ses devoirs, et en même temps cette grande hantise de la dilution de l'individu au sein de la collectivité, au sein de la communauté. Ouais, c'est vrai. Et finalement, la notion d'enracinement, elle se situe ni d'un côté ni de l'autre. C'est pour ça que c'est difficile de la situer dans son œuvre. Elle ne veut pas que l'enracinement devienne ce que vous avez appelé de l'essentialisme, enfin, on pourrait, ou du collectivisme. Mais en même temps, les lettres qu'elle envoie à sa famille sont très tendres. Les lettres qu'elle écrit à son frère sont très tendres. Donc, on voit qu'elle est attachée à sa famille, si vous voulez. Mais en même temps, elle ne veut pas du tout se faire embringuer, on peut dire des choses comme ça, dans un parti politique. Vous savez qu'elle écrit un texte contre les partis politiques où elle dit « Si le diable avait inventé quelque chose, il aurait justement inventé ça ». Donc, elle déteste les partis politiques parce que là, on est obligé de penser en rang. Hein. Mmh. Et ça, évidemment, elle ne supporte pas. Donc, mais elle cherche un équilibre, justement, entre les deux. Comment est-ce que cette notion d'enracinement pourrait être utilisée aujourd'hui? Vous vous posez la question dans votre livre, Chantal Delsol, « Qu'est-ce que l'homme hein, ?», le cours familier d'anthropologie. Vous parlez d'enracinement sur plusieurs pages, sans citer Simone Veil d'ailleurs. Est-ce que cette, oui, bah, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas cité. En effet, j'aurais pu le faire, mais parce que pourtant c'est un auteur très important pour moi. Donc c'est cette notion d'enracinement pour Simone Veil, vous la cautionner telle quelle? Complètement, oui, complètement. Elle serait adaptable aujourd'hui? Alors, bon, c'est quand même, c'est pas concrétisable directement, hein. C'est un livre de philosophie qu'elle a écrit. Mais je pense qu'on pourrait en tirer un certain nombre de passages qui seraient intéressants, par exemple, pour comprendre correctement l'idée de patrie, sans tomber dans le nationalisme. Bon, peut-être même que l'idée de nation serait intéressante, mais elle parle surtout de la patrie. Je pense qu'effectivement on pourrait en tirer beaucoup de ce qu'elle dit au sujet des efforts, au sujet de la vie ouvrière, peuvent être repris aujourd'hui, à mon avis, presque pratiquement tel quel, je crois. De louer une vie faite d'efforts, c'est ça? Oui. Parce que en même temps, pour elle, les efforts qu'on peut exiger des individus ne remettent pas en cause la solidarité nécessaire. Oui, mais c'est vrai que c'est un discours qui aujourd'hui est peu audible parce que justement, en tout cas en France, il est difficile de faire entendre à des personnes qui vont revendiquer davantage de reconnaissance, eh bien de leur répondre qu'il faut davantage fournir d'efforts. Oui, je dis bien en France. Alors justement, puisque nous parlons de la France, de manière assez surprenante, notre président de la République, le 3 juillet 2017, alors qu'il était en train de prononcer son discours du Congrès à Versailles, a fait référence à Simone Veil. Je vous propose qu'on l'écoute et puis vous nous direz ensuite pourquoi est-ce que Simone Veil, depuis quelques années, connaît une espèce de nouvelle naissance. Les gens la citent, les gens peut-être la lisent, qui sait. En tout cas, la citent, écoutez. Le peuple français ne nous demande pas seulement de l'efficacité. L'efficacité, c'est un instrument. Et puis on peut être tout à fait efficace au service d'une mauvaise cause. Non. Il nous demande ce que la philosophe Simone Veil appelait l'effectivité, c'est-à-dire l'application concrète, tangible, visible, des principes qui nous guident, le refus d'être pris en défaut et de clamer des principes dont nous ne poursuivons pas sans relâche l'application. Le principe d'effectivité, c'est pour vous, pour moi, pour le gouvernement, de ne jamais cesser de se demander si nous sommes en pratique, fidèles à nos principes, c'est-à-dire d'abord à la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors quand on distingue l'efficacité de l'effectivité en citant Simone Veil, est-ce que pour vous, Chantal Delsol, c'est symptomatique d'une, juste une manière de citer des noms pour montrer qu'on a lu de la philosophie, ou au contraire, est-ce que c'est vraiment une fidélité ou une manière d'hériter aussi d'une pensée qui a été mise en œuvre? Il y a peut-être une fidélité, parce que j'ai pas de raison de penser le contraire. Enfin, mais c'est un petit peu, oui, c'est un petit peu manière de faire quand même. C'est comme les textes de Ricoeur, vous savez, si vous me permettez de dire ce que je pense. Ricoeur a beaucoup écrit sur la reconnaissance qu'on doit aux autres. Il suffit pas de le citer, il faut aussi le faire. Hein. La reconnaissance. Mais c'est ce que dit Macron dans ce discours-là, voilà, c'est justement ne pas simplement énoncer un principe et le mettre en œuvre. Ben voilà, alors la reconnaissance d'un gouvernant vis-à-vis des gouvernés, c'est ne pas les mépriser, hein. C'est ne pas ricaner sur eux. C'est bon. Alors. C'est ce qui se passe en ce moment. Ah ben, bien sûr. Et Simone Veil, cela dit. Il la cite, il pourrait citer une autre philosophe. Il connaît sûrement beaucoup de textes, c'est très bien, mais... Mais plus que sur Emmanuel Macron, c'est plus sur la postérité de Simone Veil. Elle est, aujourd'hui, elle a beaucoup écrit, elle nous laisse une œuvre qui est très protéiforme, des cahiers, des articles, des textes, des livres qui sont publiés, dont l'enracinement dont on parle aujourd'hui. Elle est peu étudiée à la fac, elle est, je crois, pas étudiée en cours, à moins pas en terminale, sauf par certains profs du secondaire. Et pourtant... Elle est attendue. Il y a une curiosité autour de Simone Veil. Vous l'expliquez comment ? Il y a une curiosité depuis une dizaine d'années, aussi bien pour Hannah Arendt que pour Simone Veil. Parce que je pense qu'elles ont toutes les deux répondu efficacement aux barbaries. Et je crois que ces deux personnes, c'est vrai pour Simone Veil, mais c'est vrai aussi pour Arendt, n'auraient pas pu sortir à une époque où... disons, où les élites de nos pays défendaient encore le communisme. C'était pas possible. D'ailleurs, les grands textes d'Hannah Arendt étaient interdits en France pendant très longtemps. Ils sont sortis très tard, très très tard. Donc, je pense que c'est ça. C'est la fin d'une certaine pensée, hein, qui était en fait post-marxiste. On peut dire des choses comme ça, c'est un peu compliqué. On sait pas exactement comment il faut dire ça. Qui a permis le surgissement... Le surgissement, oui, c'est même pas le ressurgissement, c'est le surgissement de ces pensées-là, qui sont des pensées antitotalitaires. Il était très difficile d'être antitotalitaire. On pouvait être antifasciste, mais antitotalitaire, c'était plus compliqué quand même. Je pense que c'est ça. On va écouter un dernier son ensemble, Chantal Delsol. C'est un hommage de Maurice Schumann à Simone Veil. Ah oui, très bien. Qui raconte son triste enterrement. Écoutez. Vous savez que elle considérait qu'un pays, qu'un peuple peut détenir ce qu'elle appelait une part de la vérité éternelle. En d'autres termes, qu'une communauté naturelle et consciente d'elle-même, qu'elle soit familiale ou nationale, était une institution légitime. C'était si bien ressenti par les petites gens avec lesquels elle était en contact que la femme de ménage dont elle avait partagé le foyer pendant les dernières semaines qui avaient précédé son entrée à l'hôpital, et qui évidemment était incapable de comprendre sa pensée, est venue à ses obsèques et a jeté sur la fosse ouverte un petit bouquet tricolore qu'elle avait elle-même confectionné. Je n'ai pas besoin de vous dire que les 7 personnes présentes ce jour-là au petit cimetière d'Ashford, où maintenant repose Simone Veil, ont été profondément bouleversées. 7 personnes présentes, nous dit Maurice Schumann. Nous parlons de la postérité de Simone Veil. À l'époque, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas du tout entourée, et pas forcément par choix, même si elle aimait sa solitude. Oui, je pense qu'elle n'aurait pas voulu justement des funérailles grandioses, hein, très certainement. Elle voulait toujours être une petite souris derrière la porte, et surtout pas qu'on la regarde trop. Hein. Je me rappelle un passage du livre de Simone Pétremont, sa chère amie, qu'elle avait écrit sur Simone Veil après, et qui disait qu'une fois, Simone Pétremont avait dit à Simone Veil, mais enfin, regarde comment tu es fagotée, tu ferais mieux de t'habiller mieux, etc., parce qu'elle s'habillait n'importe comment. Et Simone Veil avait répondu presque en pleurant, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne voulait pas paraître. Alors, je pense que ces funérailles, au fond, lui ressemblaient. Il faut aussi penser quand même qu'elle avait rien publié. Elle laissait derrière elle des carnets qui, s'ils n'avaient pas été réunis par ses proches, ne seraient jamais sortis en livre. Les titres ont été donnés après. Enfin, au fond, elle était presque dans le vide avec ses pensées personnelles. C'est assez extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que bien des décennies plus tard, on puisse la lire et qu'on y consacre une série d'émissions. Et ce que je trouve extraordinaire aussi quand même, c'est la maturité qu'elle avait, parce que quand même, elle est morte à 34 ans. Et écrire des choses pareilles à cet âge-là, je trouve ça éblouissant. Quoi. Eh bien, lisons-la. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous reste à faire. L'Enracinement, dont on parlait aujourd'hui, est disponible en folio aux éditions Gallimard. Et puis, l'ouvrage collectif que vous avez dirigé sur Simone Veil, Chantal Delsol, est disponible aux éditions du Cerf. On se quitte avec une autre géniale solitaire, Nina Simone, Nobody Knows When You're Down and Out. Once I lived the life of a millionaire, spending my money I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. But then I began to fall so low, couldn't find no friends, had no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins. Nobody wants you when you're down and out. In your pockets, not one penny, and your friends, you haven't got any. Just as soon as you get up on your feet again, here they all come, they say that they're your long lost friends. Oh, oh Lord, without a doubt. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler non pas d'un livre, mais de deux livres qui sont sortis simultanément au Point Seuil il y a tout juste un mois. Le premier est une réédition d'un texte paru pour la première fois en 1956. Ravel, de Vladimir Yankelevitch, complété cette fois-ci d'une préface inédite du pianiste Alexandre Tarot, dans laquelle Tarot raconte que le livre lui a été offert à l'âge de 12 ans par son professeur de piano Carmen Tacon-Devenin. Il ne le quittera plus. L'opus du philosophe et musicologue Yankelevitch lui permettra de mieux aborder et de mieux comprendre l'œuvre virtuose du compositeur français Maurice Ravel. Je cite « J'ignorais encore son rapport au passé, la pudeur, les secrets contenus dans une extrême retenue, la dimension réelle de sa mélancolie, la sophistication à laquelle il apportait un soin quasi mystique. Je n'avais pas encore abordé les concertos, la pavane pour une infante défunte, Gaspard de la nuit, le tombereau de Couperin. Ce livre allait m'y amener, tout doucement. » C'était la pavane pour une infante défunte, interprétée par Alexandre Tarot. L'œuvre de Maurice Ravel a fait l'objet de plusieurs essais, y compris de son vivant. Mais pour Alexandre Tarot, Yankelevitch impose la première véritable étude sur le compositeur, Une synthèse puissante, faisant le tour du sujet avec acuité et intuition. En si peu de pages, un travail tout ravelien en somme, selon ses propres mots. Tout est vrai. En se plongeant dans le Ravel de Yankelevitch, on se retrouve immédiatement chez un grand maître, parlant d'un autre grand maître. Dans la première partie, Yankelevitch s'attache à mettre en lumière toutes les influences de Ravel, de Schubert à Fauré et de Chabrier à Massenet, tout en répétant que la rapidité avec laquelle Maurice Ravel trouve la perfection tient du prodige. Il est, selon les mots du philosophe, presque tout de suite lui-même. Dans la deuxième partie, Yankelevitch explore le caractère et les traits marquants des œuvres de Ravel. La musique du compositeur français est du côté de l'extrémisme passionné, du paradoxe aigu, de l'abandon des préjugés. Elle est une matérialisation de l'aventure et du scandale. En somme, c'est une gageure permanente, alliant tour de force et volonté de faire. Le rythme, l'harmonie, la virtuosité instrumentale, tout dans l'œuvre de Ravel témoigne de son génie. Dans une dernière partie enfin, Yankelevitch parle de l'œuvre de Ravel, de son caractère exotique, de son rapport à la danse, de sa sensualité et de sa véhémence, manière aussi de parler de l'homme dont la biographie regorge de secrets. On referme le Ravel de Yankelevitch avec l'envie fiévreuse de n'écouter plus que Ravel et de ne lire plus que Yankelevitch. C'est là qu'intervient le deuxième livre, « Montrez-moi vos mains » d'Alexandre Tarot. On quitte l'analyse du philosophe musicologue pour rentrer dans l'intimité du pianiste et découvrir le quotidien d'un concertiste mondialement connu. Son enfance d'abord, tout entière dévouée à la construction de scènes de fortune. « Mon enfance s'est inventée de 1000 théâtres », écrit Tarot. 1000 théâtres imaginaires qui deviendront rapidement bien réels, avec leur lot de rituels. L'avion, où il ne faut pas trop manger pour bien dormir, les bagages dans lesquels le pianiste emporte des centaines de gélules homéopathiques, les piscines des hôtels qui lui apportent le silence nécessaire à la concentration, la découverte, à chaque fois, d'une nouvelle scène et d'un nouveau piano. On apprend le rôle extraordinaire de l'accordeur. Pour Tarot, c'est Casuto Osato. Je cite. « Avec Casuto Osato, nous parlons peu. Je dis le son est cartonneux. D'un éclair, il comprend. Un peu de nuit dans les graves, plus de cristal dans les aigus. » Il répond « Oui, 2 minutes. 2 minutes après, j'ai mon crépuscule, mon cristal, moins de carton. Secret de sorcier. » Fin de citation. On apprend aussi que la position du pianiste, assis de profil, a été inaugurée au début du 19e siècle par le compositeur tchèque Dussek, qui ne voulait pas tourner le dos à l'auditoire tout en voyant, en partie au moins, les musiciens. C'est par coquetterie donc, et par envie de voir l'effet qu'il produisait sur les femmes assises au premier rang, que Dussek a inventé le pianiste soliste prédateur. Tout le monde, depuis, s'est mis au diapason. On apprend aussi à connaître les tourneurs de page, ces voisins de train que vous n'avez pas choisis, mais avec lesquels vous communiez dans le même rituel. Et puis, il y a l'agent, celui qui porte, entoure, écoute et protège. Les salles, ensuite, dont aucune ne se ressemble. Les compositeurs, enfin, qui parfois accompagnent, parfois résistent et qui appellent, de la part du public, les réactions les plus variées. Alexandre Tarot dissèque avec passion chacun des aspects de sa vie de pianiste, explique patiemment ce qu'être pianiste veut dire, se confie sur ses doutes et ses triomphes, sur l'exigence absolue que nécessite une vie entièrement vouée à la musique. Que l'on soit philosophe, mélomane, pianiste, novice ou profane, la lecture du Ravel de Vladimir Yankelevitch et de « Montrez-moi vos mains » d'Alexandre Tarot, deux livres parus simultanément en point seuil, s'impose pour entrer dans le mystère des notes, par les mots. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Isis Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission avec Marie Simon, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi. C'est Nicolas Berger qui réalise cette semaine avec aujourd'hui à la prise de son Clément Daté. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi, profession philosophe. Comme chaque vendredi, nous partons à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Nous serons demain en compagnie du maître ignorant, le philosophe Jacques Rancière. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne ou bien les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h précise et avec plaisir. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.